jaloux. Quand tu viens près de moi, tu rougis, je faiblis. Je ne vis que pour toi, alors chérie, oh, oh, oh. Laisse-moi rêver. Laissez-moi rêver.